الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله. En premier, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir facilité cette rencontre. Et on demande à Allah azzawajal de nous accorder l'ikhlas, la sincérité, de nous accorder al-ilm al-nafi', la science profitable dans cette vie et dans l'autre, et de nous donner al-amal al-salih, la pratique, et de nous permettre de transmettre dans nos familles et autour de nous ce qu'on va entendre, inshallah. Donc le sujet aujourd'hui, inshallah bi'idhnillah, va parler de al-ukhuwatu bayna al-mu'minin wal-hubbu fillah. La fraternité entre les musulmans et l'amour pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ce sujet est un sujet très important et il est connu de tous. Effectivement, nous connaissons tous au moins une ayat ou bien un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous incitant à la fraternité et à renforcer ces liens entre nous. Mais qu'en est-il du reflet de la fraternité, de son impact, de l'impact de ces versets et de ces hadiths dans la vie de tous les jours et dans notre comportement avec nos frères? Car la fraternité, elle ne se limite pas à des paroles. La fraternité, c'est un sentiment, des sentiments, c'est un comportement et c'est surtout des actes. Avant tout, qabla kulli shay, il faut savoir une chose. Il faut savoir et croire, ça fait partie de la croyance, que al-ukhuwa, la fraternité, c'est ni'matun min Allah. C'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit dans le Coran, wa allafa bayna qulubihim. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Donc dans le sens du verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète en lui disant, c'est Allah qui a réuni, réconcilié leur cœur. Et si tu dépensais, ô Mohammed, tout ce qu'il y a sur terre, jamais tu ne pourrais unir leur cœur. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui unit les cœurs. Et Allah azza wa jal est puissant et Allah est sage. Jalla jalalu. Et sachez que c'est uniquement, et ça c'est important, c'est uniquement en revenant vers l'islam et en revenant vers le chemin tracé par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la ukhuwa, la fraternité, sera possible. Et qu'elle se réalisera. C'est uniquement en suivant ce chemin qu'on évitera et qu'on mettra fin aux désaccords et aux différences que cette umma a connues et que cette umma connaît encore aujourd'hui. Et Allah Azza wa Jal nous cite dans le Coran le cas des tribus de l'Aus ou al-Khazraj, qui étaient deux tribus de Médine. Tribus entre lesquelles régnait l'animosité, al-adawa, la haine, les querelles, au point que ces deux tribus, ils se sont livrés une guerre qui a duré plus d'une plus d'un siècle, comme ça a été rapporté dans les livres de Sira. Qui mit fin à cette guerre? Et qui changea cette animosité en fraternité? Et qui est-ce qui a changé cette haine en amour? C'est l'islam et uniquement l'islam. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, en parlant de cet événement, et ça doit attirer notre attention, que c'est la seule manière aujourd'hui de unir les musulmans. C'est avec l'islam. Allah dit « Wadhkuru ni'matallahi alaykum » Rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. Ni'ma. Mufassiroun, les gens du tafsir ont dit que la ni'ma ici, c'est la ni'ma de l'islam. « Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'a » Lorsque vous étiez des ennemis. « Fa'allafa bayna quloubikum » Et Allah, il a réconcilié entre vos cœurs, entre l'Aws wa Khazraj. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانَ Et grâce à ce bienfait de l'islam, vous êtes devenus des ikhwas, des frères en religion. Et la fraternité en islam, ou dans l'islam, elle est tellement importante qu'elle constitue un élément essentiel pour édifier une société. Et pas n'importe quelle société, pour édifier une société musulmane. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine, il a édifié une nouvelle société sur les bases du Coran et de la Sunna. Et pour atteindre cet objectif, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès son arrivée à Médine, il entreprit une série de directives et une série de mesures que, alhamdoulilah, vous connaissez tous, qui sont détaillées dans les livres de Sira. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonna la construction de la mosquée, Bina ul Masjid. Parce que la mosquée, c'est un lieu de rencontre entre les musulmans. C'est un lieu d'apprentissage et un lieu d'adoration. C'est là où la personne rétablit la relation entre lui et son Seigneur. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a conclu des pactes avec les non-musulmans et en particulier les juifs de Médine. Ils étaient trois tribus à l'époque. Ce qui permit la sérénité et la tranquillité, qui est très important en islam. Et enfin, et c'est ce qui nous intéresse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a instauré la fraternité entre les muhajirin et l'ansar. Ce qu'on appelle al-mu'akhatu bayn al-muhajirin wal-ansar. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit cette fraternité entre muhajirin et l'ansar. Et regardez, je vais attirer votre attention, que chez nous, al-ukhuwa, c'est des paroles. Regardez, chez eux, le sens que ça avait. C'était vraiment quelque chose de concret, qu'on voyait de tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des muhajirines, il parle du butin. Juste avant ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du butin. Il dit, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ Il dit, il appartient le butin aussi à ceux qui ont foi et qui se sont installés dans le pays de la foi et dans le pays, en parlant de Médine. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ Les gens de Médine aimaient les gens qui émigraient chez eux. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا Et ils ne ressentaient aucune gêne lorsqu'ils donnaient aux Ansar, aux Muhajirin. وَيُثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ Ils préféraient les autres à eux-mêmes. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا Et même s'il y avait pénurie, et même s'il y avait manque chez eux. Regardez le sens de l'ukhuwa. Et l'imam Bukhari wa Muslim rapportent dans leur sahih, d'après Abi Huraira radhi anhu, une histoire que je pense tout le monde connaît, mais on va la rappeler. Il est dit que, Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira dit, un homme est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faqala inni majhout. Il a dit, j'ai faim. La faim m'a touché. Fa arsala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila ba'di nisa'ihi, faqalat walladhi ba'athaka bil haqq Ma indi illa ma. Il a envoyé quelqu'un chez son épouse pour savoir ce qu'il y avait à la maison. et lui a dit, elle a juré par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'y avait dans la maison que de l'eau, la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ما. Et toutes, ensuite il a envoyé chez toutes ses épouses, et toutes ses épouses ont dit la même chose. Elles ont juré par Allah subhanahu wa ta'ala qu'il n'y avait que de l'eau chez elles. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا الليلة. Donc le prophète s'est dirigé vers les gens de l'assemblée. Il a dit qui va prendre cet invité pour cette nuit. فقام رجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله. Un homme parmi les Ansar, parmi les habitants de Médine, il a dit moi ya Rasulullah. فانطلق به إلى رحله. Il prit cet homme, l'invité du prophète, jusqu'à sa maison. فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, honore et occupe-toi bien de l'invité du prophète sallam. وفي رواية قال لامرأته هل عندك شيء. Il a dit, est-ce qu'on a quelque chose à la maison. فقالت لا إلا قوت صبياني. Il a dit, non, j'ai seulement la nourriture qui suffit à mes enfants. فقال علليهم بشيء واذا ارادوا العشاء فنوميهم. Il lui a dit fais-les patienter avec quelque chose et lorsque le manger est prêt envoie-les dormir. Pour s'occuper de qui? Pour s'occuper de l'invité du prophète sallam et sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la fraternité, le khouwa fillah. واذا دخل ضيفنا فاطفي للسراج. Et lorsque l'invité rentre chez nous, il lui a dit éteins la lampe. وأريه أننا نأكل. Et fais-lui croire qu'on mange avec lui. فقعدوا وأكل الضيف. Ils se sont assis. Ils ont l'invité à manger. وباتا طاويتين. Et ils ont dormi le ventre vide. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال. Et le matin, regardez ce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit. لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. Allah subhanahu wa ta'ala, il a été étonné, il a apprécié votre acte envers votre invité. Regardez le sens de l'ukhuwa, la fraternité, entre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith rapporté par al-Bukhari, il est dit que As-Sa'd ibn Rabi', le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rendait un ansar frère avec un muhajir. Et parmi eux, le prophète sallam avait mis Sa'd ibn Rabi', qui était Ansari, habitant de Médine, avec Abdurrahman ibn Auf, qui était un muhajir, un habitant de Mecca. Regardez, il arrive devant Sa'd ibn Rabi', regardez ce qu'il lui dit Sa'd. Il dit, قال, أنا أكثر الناس مالا. Je suis l'homme le plus riche, le plus fortuné de Médine. اقسم مالي نصفين. اقسم مالي نصفين. Il a dit je vais partager avec toi tous mes biens en deux. Prends la moitié, je prends l'autre moitié. ولمرأتان. J'ai deux femmes. Regardez, et les Arabes ils sont connus pour leur jalousie. Regardez ce qu'il a dit. ولمرأتان. فانظر أيهما فانظر أعجبهما إليك فسماهما لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. Il lui a dit, regarde bien mes deux femmes et choisis celle qui te plaît le plus. Et lorsque sa période d'avuité, période de prescrite, sera passée, je la divorcerai et tu te marieras avec elle. Qala Abdurrahman, regardez la fraternité, à quel point elle est arrivée entre les sahaba radhiyallahu anhum. Et regardez la réaction d'Abdurrahman, il n'a pas profité de la situation. Il lui a dit barakallahu laka fi ahlika wa malik. Qu'Allah te donne la bénédiction, la baraka dans ta famille et dans tes biens. Il lui a dit aina souqukum. Il lui a dit où est le marché. Fadalluhu ala souqin bani Qaynaqa. Il lui a montré le souq de Bani Qaynaqa. Falamma inqalaba ila wa ma'ahu fadlun min aqitin wa saman. Il est parti et il a commencé à acheter et à vendre du beurre et des mets. وما هي إلا أيام حتى اكتسب مالا وتزوج امرأة من الأنصار. Et petit à petit, il a vendu, il a acheté, il a gagné un peu d'argent avec lequel il s'est marié avec une femme des Ansar. Regardez la fraternité, la vraie al-ukhuwa pratique, l'aspect pratique de l'ukhuwa, c'est pas seulement un dars qui est donné, c'est vraiment une leçon vivante entre al-muhajir ou al-ansar et entre les sahaba radhiyallahu anhum. Celui qui entend ces histoires, il peut se demander, est-ce qu'elles ont existé? Wallah, si c'était pas des histoires qui étaient rapportées par l'imam Bukhari ou qui n'étaient pas authentifiées par les savants du hadith, on pourrait douter de ces histoires. Mais ces histoires existent, elles nous sont rapportées. Et une fois que ces histoires nous ont été rapportées, on y croit, on peut se poser la question. هل هؤلاء من بشر? Est-ce que c'est des hommes? خلقوا من أب وأم, qu'ils ont été créés d'un père et d'une mère, ومن لحم ودم, et qu'ils ont été créés de chair et de sang comme nous. نعم خلقوا من أب وأم ودم ولحم ولكن عاشوا مع كتاب الله وسنة رسول الله. C'est des gens qui ont comme nous, c'est des êtres humains comme nous, mais c'est des gens qui ont vécu avec le livre d'Allah et avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà le sens de l'ukhuwa en islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est comme ça qu'on doit essayer de tendre, comme il a dit le poète, tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Ressemblez-leur si vous ne pouvez pas les imiter, car le fait, si vous ne pouvez pas être comme eux, parce que le fait d'imiter des gens comme eux, c'est déjà un falah. Tashabbahu bihim illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. C'est un succès. Et ça, c'est le sens de l'ukhuwa. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu l'importance de l'ukhuwa fil islam, il a établi des huquq, des droits et des devoirs entre musulmans pour maintenir cette fraternité qu'il convient absolument de respecter. L'imam Bukhari wa Muslim rapportent dans leur sahih d'après Abi Huraira رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس. Dans d'autres riwayas 7. Le droit du musulman envers son frère le musulman sont au nombre de 5. En fait, c'est des droits que toi, moi, on doit avoir entre nous. Le prophète s'est mis dit raddu salam. Tu dois lui répondre le salam lorsqu'il te fait salam. Iyadatu al-marid. Visiter le malade. Tu travailles pas le samedi, tu travailles pas le dimanche, tu sais que ton frère il est malade. Va avec un frère, va le visiter. Wala kafiha ajr kabir. Tu as une grande récompense. Wattiba'u al-janaiz. Suivre le cortège funèbre lorsque ton frère meurt. Wa ijabatu ad-da'wa, le fait de répondre à l'invitation. Si dans cette invitation, bien sûr, il n'y a pas de munkarat. Wa tashmitu al-aatis. Lorsque ton frère éternue et dit Alhamdulillah, dis-lui Irhamukallah. Ça, c'est les devoirs que chaque musulman convient de respecter envers son frère. Et pour toute cette raison, pour toutes ces raisons, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne dans le Coran d'être des frères et de se comporter comme tels. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a recommandé dans beaucoup de hadiths sahih, dans beaucoup de hadiths authentiques. Allah azza wa jalla dit dans le livre, dans le Coran al-Karim, إنما المؤمنون إخوة. إنما يعني أداة الحصر. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الله dit seuls les croyants sont des frères. Maintenez le lien de fraternité et craignez Allah, et Allah Azza wa Jal il sera miséricordieux avec vous. Et Allah Azza wa Jal dit والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Les croyants et les croyantes sont les uns envers les autres des alliés. Ils se soutiennent les uns envers les autres. Quant à la sunna, on va citer quelques hadiths du prophète sallam montrant al-ukhuwa entre musulmans comment elle doit être, la fraternité. L'imam Muslim rapporte dans son sahih d'après Abi Huraira, le prophète sallam dit لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله المسلم كل المسلم للمسلم حرام دمه وماله وعرضه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, la tahasadu, ne vous enviez pas les uns envers les autres. Wala tanajashu, et ne truquez pas les enchères les uns envers les autres. Wala tabaradu, n'ayez pas de la haine les uns envers les autres. Wala tadabaru, ne vous tournez pas le dos les uns envers les autres. Et que l'un ne vende pas sur la vente de son frère. Et soyez des frères comme Allah subhanahu wa ta'ala vous l'a demandé. Le musulman est le frère du musulman. Il ne l'opprime pas. Il ne le méprise pas. Et il ne refuse pas son secours. Et le prophète sallam dit, il suffit à quelqu'un pour être mauvais de mépriser son frère musulman. Et le prophète sallam dit, le musulman, et pour le musulman, tout est sacré. Son argent, ses biens, son sang et son honneur. Et aussi, hadith du Bukhari wa Muslim, Abi Musa radhiyallahu anhu rapporte, dit Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna asabi'ihi. Pourquoi ça s'est dit, le croyant est pour le croyant comme un édifice dont tous les éléments se supportent et se maintiennent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour expliquer, il a croisé entre ses doigts. C'est comme ça que les musulmans ils doivent être. Et l'imam Bukhari wa Muslim rapporte d'après Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'exemple des croyants dans leur amour, dans leur tendresse et dans leur affection. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il a qualifié le comportement entre le musulman et le musulman. Il dit l'exemple du croyant dans leur amour, dans leur affection et dans leur tendresse. C'est comme l'exemple d'un corps lorsqu'il est pris de maladie. Tout le corps, lorsqu'un membre a mal, tout le corps vient et accourt à son secours avec la veille, bisahri wal humma, et en ayant de la fièvre. C'est pour l'aider à supporter la maladie. Et sachez, mes frères, que l'ukhuwa fillah, la fraternité entre musulmans, wa l'hubbu fillah, et l'amour fillah, il a beaucoup de mérite. Fada'il. Et les ulama, ils disent, idha kathurat fada'ilu shay dalla ala adami. Lorsqu'une chose a beaucoup de mérite, ça prouve son importance. Awalan, les premiers mérites qu'on va citer sur Al-Ukhuwa et Al-Hub Fillah, la fraternité et l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Mahabbatullah lil-mutahabbinafi. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Malik rahimahullah, imam udar al-hijra, idha dukira Malik fahuwa al-najm. Les savants ils disent. L'imam Malik rahimahullah, l'imam de Médine. Et lorsque l'imam Malik est cité, c'est l'étoile dans le ciel. Rahimahullah, il rapporte dans son Muwatta, Cheikh Al-Albani la Hassan, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qala Allah azza wa jal, wajabat mahabbati lil mutahabbina fi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah azza wa jal dit, mon amour est acquis de droit à ceux qui s'aiment pour moi. Lorsqu'on s'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal de cette manière va t'aimer. Deuxième mérite qu'on va citer, أن المتحبين في الله على في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. Les gens qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, comme ça a été rapporté dans le hadith. خرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. L'imam Muslim rapporte dans son sahih d'après Abi Huraira, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم dit, إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون في جلالي أو بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الله عز وجل dira يوم القيامة où sont ceux qui se sont aimés pour moi, aujourd'hui je vais les mettre sous mon ombre le jour où il n'y a d'autre ombre que celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans d'autres hadiths le mot arche est cité. Troisième vertu mérite de l'ukhuwa fillah et de la mahabba fillah, أن المتحبين لهم منابر من نور لا يصيبهم حزن ولا خوف. Les gens qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala auront des minbar, des chairs de lumière, et ils ne seront pas touchés, affligés par la peur ni par la tristesse. Khajal ibn Habban, l'imam ibn Habban rapporte, wa hassanahu al-Albani, le cheikh al-Albani a rendu le hadith. عندك الحديث يأتي حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه إن من عباد الله إن من عباد الله عبادا ليس بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء. Il y a des gens, des personnes parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce ne sont pas des prophètes, mais يوم القيامة les prophètes et les martyrs vont les envier. قِيلَ مَنْ هُمْ لَعَلَّنَا نُحِبُّهُمْ. Les sahabas ont dit, qui sont ces gens-là pour qu'on les aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, هُمْ قَوْمٌ تَحَابُوا بِنُورِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ أَرْحَامٍ وَلَا أَنْسَابٍ. Ce sont des gens qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il y ait entre eux des liens de sang ou des liens de famille. وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. Ces gens-là n'auront pas peur lorsque les gens prendront peur et ne seront pas tristes lorsque les gens seront attristés. Et ensuite le prophète sallam a récité le verset du Coran, ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. N'est-ce pas les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, nulle peur sur eux, nulle crainte sur eux. Et dernier mérite qu'on va citer, et il y a beaucoup d'autres hadiths, أن حب الصالحين يرفع صاحبه إلى منزلته. Le fait d'aimer des gens pieux, par ce fait-là, Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever à leur rang. C'est pour ça qu'il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut aimer ses compagnons, il faut aimer les savants, et les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te ressuscite avec eux, même si tu ne mérites pas d'être avec eux. Et ça a été rapporté dans le hadith de Bukhari, عن أنس أن رجلا قال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, يا رسول الله, c'est quand l'heure? Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui répondre à sa question avec quelque chose qui est plus important. Il lui a dit, Mada a'adattala, qu'as-tu préparé pour l'heure? Qala la shay, il lui a dit, ya Rasulallah, j'ai rien préparé. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Allahu Akbar. Seulement, la seule chose que j'ai préparée, c'est que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète. Mais, qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni, yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. محبة الله ليست في هذه الآية سماها العلماء آية الامتحان. L'amour d'Allah, on ne dit pas qu'on aime Allah avec la bouche, et dans notre vie de tous les jours on est en contradiction avec les règles d'Allah et les règles de son prophète sallam. Allah dit, si vous aimez Allah, suivez-moi, suivez le prophète, et Allah vous aimera. C'est pour ça que ces savants ont appelé ce verset le verset de l'épreuve, pour voir si vraiment tu aimes ou pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, ya Rasulullah, j'ai rien préparé, seulement j'aime bien Allah et son prophète. فَقَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. Il a dit, tu seras avec les gens que tu aimes. قَالَ أَنَسْ. Regardez Anas qui rapporte le hadith. Il dit, فَمَا فَرِحْنَا. C'est comme ça qu'on doit réagir aujourd'hui. فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرِحْنَا بِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. Il dit, ce jour-là, nous étions très heureux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tu seras avec ceux que tu aimes. Wa kana Anas yaqul. Et Anas radhiyallahu anhu avait l'habitude de dire, comme lui-même Bukhari rapporte, ana uhibbu an-nabi wa uhibbu Abu Bakr wa uhibbu Umar wa arju an akuna bi hubbi iyyahum ma'ahum wa in lam a'mal bi mithli a'malihim. Il dit, j'aime Allah, j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'aime Abu Bakr, j'aime Omar. Et j'espère qu'avec mon amour pour eux, Allah va me ressusciter avec eux. Même si je n'ai pas leurs actions et leur niveau. Donc ceci, c'est quelques hadiths, quelques versets qui montrent l'importance, qui montrent les mérites de l'ukhuwa fillah pour nous encourager à préserver ce lien entre les frères. Et la fraternité doit être maintenu entre musulmans, c'est pourquoi il existe des muqawwimat. Les muqawwimat, c'est des moyens qui renforcent al-ukhuwa et qui l'entretient. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le livre, dans le Coran al-Karim, nous ordonne à maintenir cette ukhuwa. Allah dit innamal mu'minuna ikhwa, seuls les musulmans, les croyants sont des frères, et ensuite il dit fa aslihu bayna akhawaykum. Maintenez ce lien de fraternité. Et parmi ces moyens, on va citer quelques moyens qui nous permettent de renforcer la fraternité entre nous. Et c'est des moyens qui sont à notre niveau, qu'on peut les mettre en pratique. Awalan al-hirsu ala at-ta'ah wa tark al-ma'siyah. Le fait de s'attacher à l'obéissance d'Allah et d'éviter la ma'siyah. Vous allez me dire, quel est le rapport entre l'ukhuwa, la fraternité, et le fait d'obéir à Allah et de ne pas faire des ma'asiyah. Comment ceci peut renforcer la fraternité? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنِ وَدَّا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes actions, Allah va mettre entre eux الود, l'affection, l'amour. Donc le fait de faire des actions et d'avoir la foi, ça renforce la fraternité. Et l'imam Bukhari ou Muslim rapporte d'après Abi Hurayra radhiyallahu anhu, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. Il est dit que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime une personne, il appelle Jibril. Il dit au Jibril, j'aime un tel, aime-le. Et Jibril l'aime. Et il appelle les gens des cieux. Il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala aime un tel, Fulan ibn Fulan, aimez-le. Et les gens des cieux l'aiment. Et jusqu'au point, les gens sur terre l'aiment. C'est ce qui renforce. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne peut t'aimer que si tu te rapproches de lui subhanahu wa ta'ala. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et mon serviteur ne cesse de s'approcher avec des nawafil après avoir fait les faraïd jusqu'au point où je l'aime. Et lorsqu'Allah t'aime, il appelle Jibril alayhi salam. Et Abu Darda, regardez ce salaf salih, sahabi radhiyallahu anhu Abu Darda, regardez ce qu'il dit, il avait très bien compris ce hadith. Il a dit, إذا إن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله وإذا أحبه الله حببه إلى عباده. Lorsque le serviteur fait un acte et il accède à l'amour d'Allah, Allah l'aime. Et lorsqu'Allah l'aime, il fait aimer cette personne auprès de ses serviteurs. Et de même, وإذا عمل العبد بمعصية الله أبغضه الله وبغضه إلى عبادي. Et lorsque le serviteur fait un acte qui entraîne la colère d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre cette personne et les gens sur terre détestent cette personne. Ça, c'était أول مقومة. C'est la première moyen de renforcer la fraternité. C'est le fait de s'attacher à l'obéissance d'Allah et d'éviter les interdits. Deuxièmement, qada ou hawa'ij al muslimin, le fait de venir aux besoins des musulmans et de ton frère autour de toi. Akhraj al imam at-Tabarani, l'imam Tabarani rapporte, wa hassanahu al-Albani, Cheikh al-Albani a rendu le hadith hassan fi sahiha, an ibn Umar radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce hadith, le prophète sallam dit: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. Les gens, l'homme, la personne la plus aimée chez Allah, c'est celle qui est le plus utile et la plus profitable. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. Et l'acte le plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de réjouir un frère, un musulman. أو تكشف عنه كربة. Ou bien tu lui dissipes une difficulté. Ou taqdi anhu daynan, ou tu rembourses une dette qu'il a. Ou tatrud anhu ju'an, ou tu le nourris à cause de sa faim. Tu le nourris lorsqu'il a faim. Wala in amshiya ma'a akhi al-muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi al-masjid shahra. Le prophète sallam dit: aller aux besoins d'un musulman, c'est mieux pour moi que de rester un mois dans la mosquée à faire l'i'tikaf. Regardez les mérites d'aider son frère. Qada wa hawaij al-muslimin. Et aussi l'imam Muslim rapporte dans son sahih, d'après Abi Huraira radiallahu anhu, le prophète dit: man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi l'akhirah. Allahu Akbar. Ça me dit, celui qui dissipe de son frère une difficulté de cette vie, Allah va lui dissiper une difficulté de l'akhirah. Et les difficultés de cette vie n'ont rien à voir avec les difficultés de l'akhirah. Et le prophète s'est dit: وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ. Celui qui met l'aisance à quelqu'un qui a de la gêne, Allah lui mettra de l'aisance yom al-qiyama et dans cette vie. Et le prophète dit: wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Le prophète dit: Allah est au secours d'une personne chaque fois que celle-ci est au secours de son frère. Donc le fait d'aider son frère. Et parfois il n'y a pas besoin d'être riche ou d'avoir beaucoup de moyens pour aider son frère. Si tu ne peux pas aider ton frère par de l'argent, tu peux l'aider en le réconfortant. S'il a un souci, tu lui remontes le moral en lui rappelant al-qadar, le destin, et que tout ce qui arrive aux musulmans, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décidé, et que tout ce qui arrive aux musulmans, c'est à bien. In asabat hu darra sabara fa kana khayran lah. Pour ça, il dit, si un mal le touche, il patiente, fa kana khayran lah, et c'est un bien pour lui, et tu vas le réconforter, et tu rentres dans ce hadith. Aussi, parmi les moyens qui renforcent la fraternité et qui sont au niveau de chacun d'entre nous, ifsha ou salam, le fait de répandre le salam, c'est important. Le prophète salam dit, d'après Muslim, hadith d'Abi Hurayra d'Anou, la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama baynakum. Ça me dit: Vous n'entrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez. La croyance, c'est la clé pour entrer au paradis. Et vous ne serez pas croyant, dans le sens une croyance parfaite, la foi parfaite, jusqu'à ce que vous vous aimez. Et il dit le prophète salam: voulez-vous que je vous indique une chose? Si vous la faites, ça va vous renforcer la fraternité. Répandez le salam entre vous. Et ça, c'est une chose, parfois ça arrive, tu passes à côté d'une personne, tu as oublié de lui dire salam, et la personne t'en veut pendant des années et des années. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Afshu salam abaynakum, le fait de répandre le salam. Parmi les choses aussi qui renforcent la fraternité, muqawwimat al-ukhuwati al-hadiyyah, le fait de se faire des cadeaux entre frères. Le prophète sallam rapporte, d'après l'imam Bukhari fil Adab al-Mufrad, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا ça me dit faites vous des cadeaux et vous aurez de l'amour entre vous faites vous des cadeaux et vous aurez l'amour c'est une porte pour arriver à l'amour entre frères aussi et c'est le dernier point que je vais citer parmi muqawwimat al-ukhuwa parmi les points qui renforcent l'ukhuwa az-ziyaratu was-su'al 'an ahwal al-ikhwan le fait de se visiter sans tomber dans l'exagération et le fait de constamment régulièrement prendre l'état prendre des nouvelles de tes frères l'imam muslim rapporte dans son sahih d'après Abu Hurayra radha anhu il dit inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra il y a un homme c'est une histoire d'un homme qui a visité son frère dans une autre ville فأرسل الله له على مدرجته ملكا et Allah subhanahu wa ta'ala lui envoya cet homme un ange sous l'apparence humaine فلما أتى عليه قال أين تريد parce que l'ange lui est venu il lui a dit où vas-tu que recherches-tu il lui a dit أريد أخن لي في هذه القرية je vais visiter mon frère dans telle ville قال هل لك عليه من نعمة تربها il dit est-ce que tu vas le visiter pour un intérêt ou quelque chose d'équivalent. قال لا غير أني أحبه في الله أو أحببته في الله. Il lui dit non, la seule chose, la raison pour laquelle je vais le visiter, c'est parce que je l'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. فقال إني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. Il lui a dit je suis un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala pour t'informer qu'Allah azza wa jalla t'aime comme tu aimes cette personne. Donc parfois il est bon de visiter ses frères pour aller et la visite doit être très courte al-muhim de même qu'il existe des moyens on vient de citer les moyens qui renforcent la fraternité il existe aussi des moyens qui brisent la fraternité mufsidat al-ukhuwa mubtilat al-ukhuwa et ces moyens là ils font disparaître la fraternité ou la brise. Et ici, je citerai deux raisons. Deux raisons principales qui, sans aucun doute, brisent la fraternité et éloignent les cœurs et ouvrent la porte à la haine entre les frères. Il existe beaucoup. On va en citer deux. La première raison, kathratul mukhalafat lil awamir wa suhulatu irtikabul ma'asi. C'est le fait de faire beaucoup de mukhalafat, de désobéissance, et d'être négligent face au péché. Vous allez encore me dire quel est le rapport entre ça et le fait que ça brise et ça diminue la fraternité. Écoutez, l'imam Bukhari rapporte dans l'Adab al-Mufrad An Anas, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواد اثنان في الله أو في الإسلام deux personnes ne s'aiment pour Allah ou en Islam فيفرقوا بينهما إلا ذنب أحدثه أحدهما أو يحدثه أحدهما. Ça me dit, il n'y a pas deux personnes qui s'aiment pour Allah sans que l'un d'entre eux fait un péché et ça cause une rupture entre eux, les deux frères. C'est pourquoi Ibn Abbas, regardez As-Salaf Salih, comment il comprenait les paroles du prophète sallam. Ibn Abbas avait l'habitude de dire Inna lissayyati sawadan fil wajh. Le péché rend le visage sombre. Wa quswatan fil qalb. Et rend le cœur dur, le péché. Wa diqan fil risq. Et il limite la subsistance, le péché. Et il dit Wa bughdatan fi qulub al khalq. Et le péché entraîne une haine entre les gens. Donc une des premières causes qui entraîne la haine entre les frères, c'est le fait de faire des péchés. Et ici, je vais vous signaler une chose. Le fait de délaisser un wajib, une obligation en islam, ou une sunnah, peut causer du tort à l'ukhuwa, jusqu'à ce point-là. Le fait de délaisser un wajib ou une sunnah peut causer du tort entre dans l'ukhuwa entre les frères. Kayfa dhalik? Comment cela est-il possible? L'imam Bukhari rapporte dans le sahih an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a qal. Sallam a dit, hadith n'est pas rapporté dans le sahih. Il dit aqimu sufufakum. Aqimu sufufakum. Aqimu sufufakum. La tuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna qulubikum. Ça me dit, faites vos rangs. Si vous ne faites pas vos rangs, il y aura des divergences et des divisions entre les cœurs. Regardez le fait de délaisser taswiyat sufuf, le fait de délaisser l'alignement des rangs, crée la division et le désaccord et la divergence dans les cœurs des musulmans. Alors que dire d'un manque dans le comportement envers ton frère, ou bien des paroles mauvaises, qabihul alfad, de mauvaises paroles que tu as pu dire, ou des insultes que tu as pu lui dire, et sans t'excuser en plus. Ça, c'était la première cause qui cause certainement du tort à l'ukhuwa. La deuxième cause qui peut briser l'ukhuwa, c'est adam al-samah wa al-afu 'inda zallat al-ikhwan. C'est le fait de ne pas être, de ne pas savoir pardonner à son frère lorsqu'il fait des erreurs. Et le prophète sallam dit kullu bani adam khata wa khayrul khata'ina tawwabun. Tous les hommes font des erreurs. Il n'y a pas un frère parmi nous qui ne fait pas de péché, qui ne fait pas d'erreur. Mais le meilleur des hommes, c'est celui qui se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait tawba. Et aussi, l'imam Abu Huraira radhiyallahu anhu disait man satara musliman fi dunya satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Celui qui cache les défauts de son frère dans cette vie, Allah cachera ses défauts dans cette vie et dans l'autre. Donc si ton frère, il a une croyance correcte, j'insiste, il a une croyance correcte et saine, sa aqida elle est saine, et il est connu pour suivre et aimer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas lui en vouloir s'il commet une erreur, ou s'il commet un péché, ou deux ou trois, ou plus même. Au contraire, il faut cacher ses péchés. Il faut cacher les péchés du frère. Le prophète dit, man satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah. Le prophète dit, celui qui cache les péchés de son frère, celui qui cache les défauts de son frère, Allah va lui cacher ses défauts dans cette vie et dans l'autre. Et il faut aussi le conseiller, un nasih, lui ramener le conseil. C'est important. Le prophète m'a dit ad-dinu nasiha. Ad-dinu nasiha. Qulna liman ya Rasulullah. Il a dit pour qui ya Rasulullah? Il a dit entre autres li'ammatil muslimin. Pour l'ensemble des musulmans. Donc fais-lui le conseil. Et invoque Allah subhanahu wa ta'ala bil ghaib. Dans l'invisible, en cachette, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui corrige son péché. Et le Fudail ibn Iyad rahimahullah disait man bahatha an akhin bila uyub fala yakun lahu akhan. Celui qui recherche un frère sans défaut, il n'aura jamais de frère. Celui qui recherche un frère sans défaut, il n'aura pas de frère, il n'aura pas d'ami. Et Sha'ir, le poète disait atal habibu bi isa'atin wahida wa atat mahasinuhu lahu tashfa'u. Il dit, le bien-aimé, ton ami, il est venu en faisant une erreur, ou il t'a causé un tort, ou deux ou plus. Mais il dit aussi, mais tout ce qu'il a fait de bien aussi, elles sont venues intercéder et te faire oublier le tort qu'il t'a causé. Et sachez mes frères que l'ukhuwa, la fraternité, elle a des implications et des conséquences. On appelle ça l'uzu, l'awazim l'ukhuwa. On ne parle pas de l'ukhuwa pour après. On fait du'a, on rentre chez nous et dans notre comportement on ne change pas. On a entendu des hadiths, on a entendu des versets du Coran. Faut qu'au moins, on sort d'ici avec un hadith et on le met en application. Au moins. Et parmi les conséquences de l'ukhuwa, awalan an yuhibb al-'abd li akhihi ma yuhibb li nafsihi. C'est de aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. L'imam Muslim al-Bukhari rapporte d'après Anas ibn Malik, قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. La personne n'a pas la foi parfaite jusqu'à ce qu'elle aime pour son frère ce qu'elle aime pour elle-même. C'est ça le vrai sens, les implications de l'ukhuwa. Quand un tel c'est ton frère, tu dois aimer pour lui ce que tu aimes pour toi-même. Et la deuxième chose parmi les implications de l'ukhuwa, an yata'ahhad al-'abd akhahu bin-nusr. C'est que lorsque tu constates chez ton frère une erreur, c'est pas tu fermes les yeux sur son erreur, mais ça ne doit pas t'empêcher de lui faire le conseil. Et le conseil, c'est iradatu al-khayr lil-ghayr bi-usubin hasana. C'est le fait de vouloir du bien à ton frère, mais avec la bonne manière, avec la bonne façon. Et l'imam Muslim rapporte d'après Tamim al-Dari, radiyallahu anhu, قال رسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. Ça me dit, la religion tourne autour de النصيحة. La religion, c'est la النصيحة, c'est le conseil. قلنا لمن يا رسول الله. Ils ont dit, pour qui يا رسول الله? Ça me dit, لله. Envers Allah, c'est-à-dire envers les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois respecter les ordres d'Allah. ولرسوله, envers le prophète, c'est-à-dire tu obéis au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلِكِتَابِهِ, envers le livre d'Allah, c'est-à-dire que tu lui donnes ses droits et tu le respectes. وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ, et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi les musulmans et au commun, comme nous, au commun des musulmans. Donc lorsque tu vois que ton frère fait une erreur, tu dois le corriger et lui, en lui apportant un nasiha. Et si tu estimes que toi, tu n'es pas la bonne clé, si tu estimes que la nasiha ne va pas passer par toi, va voir un autre frère. Peut-être qu'il lui apportera la nasiha et l'acceptera. Parce que le but, c'est qu'il accepte la nasiha et qu'il revienne. Et finalement, mes frères, il faut savoir que l'ukhuwa, dont on a parlé depuis le début, elle n'est valable qu'entre croyants. Et ceci fait partie de al-wala wal-bara, qui est un autre sujet. L'ukhuwa dont on vient parler, elle est que pour réserver, elle est exclusive aux croyants. On ne se comporte pas comme ça avec quelqu'un qui n'est pas croyant. Mais on se comporte bien quand même. Et c'est pour ça que dans le sunna wal jama'a, les gens de la sunna wal jama'a divisent les gens par rapport à l'hub ou al-bourd, par rapport à aimer et détester, en trois catégories. Il y a ceux qui méritent al-wala ou al-mutlaq. Ceux qui méritent que tu les aimes de manière absolue. Dans tous les cas. C'est qui ces gens-là? C'est al-mu'minu al-mukhlis al-qa'imu bi shara'i'i Allahi 'azza wa jalla. C'est celui, le croyant sincère, qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui exécute les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est loin de ses interdits. Cette personne, tu dois l'aimer. Et l'aimer pour Allah, pas pour un intérêt quelconque. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie de personnes par rapport al-hubb fillah ou al-bughd fillah, par rapport à aimer et le fait de détester pour Allah, c'est al-bara ou al-mutlaq. C'est l'inverse. C'est le fait de désapprouver ou détester une personne de manière absolue. C'est qui? C'est ahlul kufri wa shirk. C'est les gens du kufr, les kuffars et les mushriks. Tu n'as pas le droit de prendre comme allié ou d'aimer quelqu'un qui n'est pas musulman. Par contre, mes frères, on n'a pas le droit non plus d'être injuste envers eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Que la haine d'un peuple ne vous empêche pas d'être juste. Soyez juste, car c'est ça la taqwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: La yanhakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim al-birr wal-qist. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ceux qui ne font aucun tort parmi les non-musulmans, rien ne vous empêche d'être bon avec eux et d'être juste avec eux. C'est comme ça que le musulman il doit se comporter avec eux. Et regardez le prophète sallam, vous connaissez tous l'histoire de son voisin qui était juif, qui causait du tort au prophète sallam. Le jour de sa mort, le prophète sallam, il est parti le voir. Et il l'a appelé à l'islam. Parce que le but qu'on se comporte comme ça avec eux, c'est parce que c'est un ordre d'Allah, mais c'est aussi pour qu'il revienne, que cette personne vienne vers l'islam. Et ce jeune est rentré en islam. Et quand le prophète sallam est sorti, il a dit « Alhamdulillah, alladhi anqadha nafsan min an-nar. » Il a remercié Allah d'avoir épargné une âme de rentrer en enfer. Et la troisième catégorie des gens par rapport à l'wala ou à l'bara, qui n'est pas le dars d'aujourd'hui, mais qui est en rapport pour pas qu'on tombe ni dans une négligence, ni qu'on tombe ni dans une exagération. La ifrat ou la tafrit. C'est le croyant qui fait des péchés. Il est croyant. Mais en même temps, il fait des péchés. Et bien cette personne, tu dois l'aimer parce qu'il est musulman, il est croyant. Et en même temps, tu dois désapprouver son péché. Et tu dois cacher son péché, ne pas le divulguer, et en même temps lui apporter la nasiha, dans le but qu'il revienne. À l'époque du prophète sallam, il y avait un homme qui s'appelait Abdullah ibn Himar, qui avait bu de l'alcool. Radiallahu anhu. Et les sahaba, lorsqu'ils ont vu ça, ils l'ont frappé. Et ils ont dit, ils l'ont fait la na'na. Et le prophète sallam dit, la tal'anu akhakum, فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Il a dit, ne maudissez pas vos frères, votre frère, car il aime Allah et son prophète. Il a bu de l'alcool, il faisait des péchés, mais pourtant le prophète sallam a dit de lui qu'il aimait Allah et son prophète. Donc on peut être croyant tout en faisant des péchés, pour ne pas tomber dans le madhab, dans le groupe des khawarij, qui considèrent que toute personne qui fait un grand péché, il est sorti de l'islam, et qu'Allah nous en préserve de ces gens-là, pour min sharrihim, et de leur mal qui cause beaucoup aux musulmans aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'était ça le cours sur Al-Ukhuwa. Et le but du cours, alhamdulillah, c'est bien de se rencontrer. Wa dhakkir, fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Car le rappel est croyant et est bénéfique aux croyants. Mais le but, c'est qu'on a entendu ça aujourd'hui. C'est si tu avais avec quelqu'un un problème, c'est d'aller le voir. De t'excuser, même si tu as eu tort ou même s'il a eu tort, pour renforcer cette fraternité. Ou si tu vois ton frère qu'il a fait quelque chose, tu vas le voir, tu lui fais nasiha d'une bonne manière. Et aussi de maintenir al-ukhuwa, la fraternité entre nous. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.